Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à la croche-oreille, Gaëtan Gosselin au microphone avec vous jusqu'à 22h. Heureux de vous retrouver sur les ondes sonores de CKRL, le 89.1, qu'on retrouve sur la toile à ckrl.qc.ca. J'ai le plaisir de vous partager en reprise une conversation avec l'artiste sonore, musicien et compositeur Louis Dufort, qui est aussi enseignant et directeur artistique du Festival montréalais de sonorité immersive Acousma. La prochaine heure, il va s'en dire, est dédiée à l'artiste et compositeur qui mène depuis près de 25 ans une démarche de création souvent inspirée, en tout cas au début de sa carrière, par l'esprit du temps qui gouverne la planète et ses conflits sociaux. Si on pense par exemple à ce projet évoquant la guerre au Kosovo, puis ses plus récents projets que lui inspire la vie en nature, allonger les grandes forêts. Il faut aussi dire que Louis Dufort s'est révélé un collaborateur artistique important, notamment pour la compagnie de danse Marie Chouinard, pour laquelle il a créé des univers sonores et musicaux. Il a aussi travaillé avec la chorégraphe Jocelyne Montpetit, le réalisateur Denis Arcand, pour la musique du film La chute de l'Empire américain, tout de même. Et il a répondu avec beaucoup de succès à des projets de création que lui ont proposé le Quatuor Bozzini, Chant libre, Quasar et le collectif Sixstrum, notamment. Louis Dufort a évidemment des enregistrements à son actif qu'on retrouve sur l'étiquette Empreinte Digitale. Il avait produit au moment de notre entretien un bel album intitulé Volume, dont la trame de fond a été enregistrée dans la forêt boréale du Québec, un album qui se prolonge dans ce tout dernier album intitulé Into the Forest. Dufort raconte que son intérêt pour la forêt est holistique, c'est-à-dire qu'elle m'inspire, dit-il, autant dans sa structure intrinsèque, son organicité, ses couleurs, ses odeurs, que dans son mystérieux pouvoir d'évocation sur notre propre nature. Je referme les guillemets, on écoute Louis Dufort, mon invité de ce soir. Louis Dufort, bienvenue à l'émission. Très heureux de te rencontrer. Bonjour, Gaëtan. Louis, d'entrée de jeu, tu as lancé récemment un album intitulé Volume. C'est un album très inspiré, semble-t-il, à lire là, la documentation. Un album inspiré par les environnements sonores, le paysage boréal notamment. Et j'aimerais que tu me racontes l'histoire de cet album, qui est un peu comme quelque chose de plus personnel, je dirais, dans ta production. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je fais fausse route? Personnel, non. Je pense que ma musique est toujours, surtout lorsque je parle de musique acousmatique, c'est une musique extrêmement très personnelle à la base parce que c'est un esthétique, en fait, il y a pas vraiment de courant esthétique établi dans la musique acousmatique en tant que telle. C'est ce que je dis à mes élèves, d'ailleurs, c'est la musique qui nous offre la plus belle carte blanche. Justement, on n'a pas à répondre à des canons esthétiques qui sont hyper bien établis dans la musique pop, bien sûr, ça va de soi, mais aussi dans l'underground de la musique électronique, il y a quand même plein de sous-genres qui sont là et qui sont très présents, qu'on peut voir dans des soirées expérimentales, tu sais, le bruitiste, l'art audio, bien sûr la musique expérimentale un peu plus large, mais ça reste quand même, il y a quand même des canons esthétiques assez bien établis qui sont représentés par des espèces de phares qui sont des labels finalement. Donc, il y a les labels positionnent certaines esthétiques dans ces musiques underground-là, ce qui est fort important puis qui est fort intéressant aussi parce que sinon on serait perdu. Toutefois, on ne peut pas en dire tout autant de la musique acousmatique. Il y a certes un label qui s'appelle Empreinte Digitale, mais même à l'intérieur de ce label-là, chaque compositeur a vraiment sa propre signature. Donc, je reviens à ce que je dis un peu plus tôt, c'est ce que j'aime mes étudiants dans la mesure où là, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Fait que c'est vraiment une musique d'auteur. Toutefois, ta remarque est quand même judicieuse parce que, et puis je vais un peu dans l'autre sens, c'est que c'est peut-être le disque où je me suis dit « Ah, je vais faire une écoute, un disque acousmatique, mais écoute de salon. » C'est-à-dire, il y avait un désir chez moi d'être un peu plus proche de l'auditeur, dans le sens où avoir présenté un aspect de moi, effectivement, plus personnel, qui n'est pas nécessairement représenté dans mes musiques de concert acousmatiques qui sont, je te dirais, peut-être un peu plus complexes, où là, j'ai eu envie, hein, faut pas oublier qu'on était on l'est toujours d'ailleurs en mode pandémie, donc j'avais goût de quelque chose d'un peu plus apaisant, peut-être d'un peu plus facile d'écoute ou d'approche, puisque je me disais, OK, j'aurai pas le concert, puis j'aurai pas les 60 haut-parleurs pour immerger mon auditeur, donc l'expérience va être différente. Je veux que ça soit une écoute de salon où on met l'album, puis que ça sonne un peu comme un album pop au point de vue de la dynamique et tout ça, là, tu sais, et puis qu'on puisse s'étendre dans le salon puis écouter ça. Donc, c'est un album tout aussi personnel, mais il y a un désir dans cet album-là d'aller toucher peut-être l'auditeur de façon un peu plus directe. Louis, écoute, on va écouter un premier extrait de l'album de but en blanc. Comme ça, on va écouter une première pièce. Ça s'intitule « Foisonnant ». Alors, on écoute ça ensemble. Louis, je reviens sur ce que tu racontes, parce que pour les éditeurs, c'est toujours un peu mystérieux que de parler de musique acousmatique, de sonorité acousmatique, et j'en profite pour te lancer un peu la question de savoir de quoi il en retourne exactement aujourd'hui de ce concept de musique acousmatique qui apparaît, je pense, quoi, il y a peut-être une cinquantaine d'années maintenant ou presque. Alors, j'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus. D'abord, ce qu'il faut dire de l'acousmatique, c'est que souvent, cette musique-là a été appelée, peut-être pour mettre les auditeurs en contexte, musique électroacoustique. Je dirais que le terme électroacoustique est probablement le terme le plus utilisé encore aujourd'hui ou le qui a été celui le plus popularisé. Le problème avec cette terminologie-là, c'est que c'est un mot fourre-tout. De par son sens étymologique, là, électroacoustique. Donc, ça sous-entend que dès qu'il y a de l'électronique puis de l'acoustique, on fait de la musique électroacoustique. Donc, un peu pour se détacher de ce nom-là, un peu fourre-tout, qui, je rappelle, demeure encore très, très utilisé. La formule acousmatique est apparue, comme tu dis, avec François Bell, là, il y a une bonne quarantaine d'années, comme telle, qui essentiellement se réfère aux enseignements de Pythagore à l'époque, des Grecs anciens, où il s'agissait d'enseigner, de donner la matière sans introduire aucun biais de par sa présence physique. Donc, c'était d'enseigner sans voir. Donc, Pythagore enseignait derrière une tenture à ses élèves pour qu'ils puissent boire la pureté de ses paroles jusqu'à un certain point. Et surtout pour ne pas être distrait par l'apport physique du professeur. Donc, la formule acousmatique précise un peu la formule électroacoustique qui était quand même déjà définie, mais là, ça le précise dans son mode de transmission, c'est-à-dire que le concert en tant que tel se veut dans le noir et sans aucun visuel. Donc, on ne peut pas voir la source des sons. Et non seulement on est dans le noir, mais on est plongé à l'intérieur même d'un orchestre, mais d'un orchestre d'haut-parleurs qui, normalement, ce dernier entoure l'auditeur. Donc, pourquoi on fait ça? Simplement pour rentrer le plus possible sans aucun biais dans le contenu musical, puisque, encore là, il faut le rappeler, quelque chose qui est particulier à la musique électroacoustique, c'est qu'elle est composée entièrement en studio. Donc, elle est faite, elle est enregistrée, c'est-à-dire que le compositeur peut faire de la prise de son ou il peut enregistrer des sons de synthétiseur, mais il fait tout ça en studio, donc il tourne le son un peu comme un cinéaste, hein. Il va sur des lieux, il va tourner, ensuite on va procéder au montage et à la composition comme telle de l'œuvre, et ensuite l'œuvre va être projetée sur un orchestre d'haut-parleurs. Donc, dans ce sens-là, on se rapproche en quelque sorte beaucoup plus du cinéma. Par contre, j'ai pas touché une note à ta question qui était où en sommes-nous. Donc, où en sommes-nous, c'est que c'est très intéressant parce que justement, puisque j'ai explicité un peu plus tôt comment le mode de fonctionnement de la musique acousmatique, du moins en concert, puis dans la production, dans sa production. Aujourd'hui, on se retrouve avec, comme je le disais au début de l'entrevue, avec une pléthore d'esthétiques quand même assez nuancées, assez différentes, assez distinctives selon leurs auteurs. Mais on partage en commun la façon de présenter cette musique-là en concert. Et là où ça devient intéressant esthétiquement, c'est que plusieurs artistes sonores qui proviennent pas nécessairement j'aime pas le terme de l'académie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas étudié nécessairement là-dedans, mais qui, à cause du jeu vidéo, à cause de l'art numérique comme tel, la notion d'immersion, s'y frotte de plus en plus. Donc, esthétiquement parlant, on est une espèce de croisée des chemins en ce moment où on a une musique acousmatique qui est peut-être issue de la tradition française, le GRM, qui a été adoptée assez tôt par l'école anglaise en Angleterre. Il y a une école très forte sur... en termes acousmatiques, avec plusieurs compositeurs, Dennis Smalley, John Terrison, etc., Natasha Barrett, il y a tout un pool de compositeurs qui sont très forts. Donc, c'est allé aussi en Amérique du Sud, en Allemagne, tout ça. Et là, s'ajoute à ça, se greffe à ça des artistes issus de l'underground. Et on peut voir des labels, des étiquettes comme justement Édition Mego, qui était jadis un label, il l'est encore là, mais c'est un label de musique électronique très reconnu, musique underground, mais qui ressortent des albums qui ont été composés par le GRM. Donc, il y a toute une espèce de pollinisation entre l'underground électronique en ce moment et l'école un peu plus traditionnelle. Donc, c'est vraiment bouillant, là, ce qui se passe statistiquement. Donc, j'ose espérer qu'avec, avec le festival dont je suis le directeur, qui s'appelle Acousma, mon but est un peu de faire connaître ces nouvelles tendances-là, justement, ou de faire une espèce d'état des lieux, en quelque sorte, de cette expression musicale qui est en plein essor. Oui, on va poursuivre l'écoute de ce bel album que tu as produit récemment, intitulé Volume. Et je reviens là, sur cette trajectoire que tu mènes depuis plusieurs années maintenant dans le secteur de l'expérimentation musicale et sonore. Je reviens, Louis, sur ta trajectoire, ton parcours artistique qui est nourri par de très nombreuses expériences du monde de la musique, du monde de l'expérimentation sonore. J'aimerais savoir quel a été le déclencheur de cet intérêt pour l'expérimentation proprement dite, là, dans le champ de l'art sonore, de l'art musical, je l'appelle comme ça, au sens large. Comment ça survient chez toi? C'est accidentel? C'est inspiré par des rencontres? Quelle lecture tu fais du démarrage de cette passion? C'est plein de facteurs, j'imagine. Je pense que ça commence par une grande sensibilité artistique qui était présente dès mon jeune âge. Je me rappelle là, des nuits d'hiver où je restais dehors très tard le soir. Dans les années 70, à l'époque, nos parents nous laissaient dehors comme ça. Puis, tu sais, je veux dire, je regardais les étoiles, j'étais dans la neige. Il y avait quelque chose qui était sensible déjà au point de vue sonore. Le bruit des lampadaires la nuit, le son de la neige quand je bougeais, etc. Donc, ça s'est présenté comme ça. Je pense que c'était déjà là, en quelque sorte. Puis après ça, ben c'est ça, il y a des événements comme... mon beau-père avait un magnétophone, puis je me suis mis à jouer avec ce magnétophone-là à peu près autour de l'âge de 10 ans, puis je trouvais ça très drôle d'enregistrer ma voix, de l'accélérer, de la ralentir. Donc, déjà là, je trouvais ça drôle de jouer avec le son comme ça. J'ai invité mes amis, on s'assoyait tout en cercle. J'avais inventé un jeu, là, on s'assoyait en cercle, puis je leur disais de faire des onomatopées, toutes sortes de sons. Puis ce que je faisais, c'est que je bougeais le microphone en cercle comme ça, je faisais des rotations en mouvement. Donc, je faisais déjà des espèces de micro-montages en temps réel. Donc, chacun faisait des sons différents, puis puisque je tournais le micro en cercle, je réécoutais ça, puis là, ça faisait comme une espèce de montage, de bruitage, de toutes sortes de onomatopées. Puis là, on trouvait ça drôle. Après ça, une espèce de pause où finalement, après le secondaire, j'ai décidé d'aller en musique au cégep de Joliette parce que j'avais une guitare en cadeau de ma tante, puis j'avais fait 10 ans de cours de guitare classique. Donc, j'ai été là-dedans, puis finalement, j'ai bifurqué au jazz, guitare électrique, puis là, ben, évidemment, j'ai fait de la musique rock. J'aimais beaucoup le rock expérimental, Sonic Youth, aussi tout l'underground des années 80, musique un peu électronique aussi, Trisomie 21, Severheads, ces groupes-là, musique industrielle aussi, j'aimais bien, Jobbing Gristle et tout ça. Donc, il y avait déjà là de la musique expérimentale que je commençais à ingérer, en quelque sorte. Puis je trouvais ça très intéressant. Puis avec mon groupe rock, ben c'est ça, de plus en plus, ça devenait expérimental. Puis j'avais acheté un 4-track pour enregistrer le groupe. Puis tranquillement, avec mon 4-track, je me suis mis à enregistrer des paysages sonores, juste pour le plaisir, comme ça. Je trouvais ça intéressant. Puis, au cégep de Joliette, après la guitare jazz, ce que j'aimais pas, j'haïssais ça pour mourir. Je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était de composer. Puis un professeur, là, Nelson Gagné, que je remercie profondément, a vu cette graine créative-là chez moi, puis il m'a dit, sais-tu quoi, je vais t'en donner des cours de composition, même s'il n'y en avait pas au programme. Alors, j'ai fait des cours de composition, puis c'est lui qui m'a annoncé, en fait, qu'il y avait un programme de musique électroacoustique à l'Université de Montréal. Puis avec cette annonce-là, il m'a prêté deux vinyles, Michel Chion, Requiem de Michel Chion, puis Atmosphère de Ligeti. Là, j'ai écouté ça, puis là, ma tête a littéralement explosé. Je me suis dit, non seulement je venais de découvrir une nouvelle musique, mais en plus, je venais de découvrir que je pouvais aller étudier là-dedans, alors que là, j'étais dans une espèce de cul-de-sac, là, avec ma guitare jazz, puis je savais pas où je m'en allais. Je m'en allais en cuisine, je pense. C'est ça que... Je m'en allais cuisiner. D'ailleurs, c'est très drôle, puisque mon fils est cuisinier. Enfin, fait que c'est comme ça que ça a commencé. Voilà ce qui complète la première demi avec le compositeur, enseignant et créateur sonore Louis Dufort. Restez des nôtres, je suis de retour à l'instant. Vous écoutez CKRL Radio. Vous écoutez La Croche-Oreille. De retour, c'est la Croche-Oreille jusqu'à 22h. Je vous rappelle que vous retrouverez les pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que les très nombreuses émissions archivées pour écoute immédiate ou en différé. C'est à votre goût. Au programme de cette deuxième demi, c'est la suite de ma conversation avec Louis Dufort, compositeur, créateur sonore, enseignant et directeur du festival Acousma, un festival dédié aux sonorités immersives. Louis Dufort mène une carrière plutôt méritoire. Sur le plan artistique, il est récipiendaire de nombreuses reconnaissances, collaborateur de nombreux ensembles et de nombreux projets chorégraphiques, notamment, comme je l'ai évoqué en première partie. Jusqu'à maintenant, on peut dire que ses projets prennent des formes multiples, en mode acousmatique, comme il nous l'a révélé, sur disque aussi, et également performance live et en installation. À titre de directeur artistique du festival Acousma, il a d'ailleurs reçu en 2018, un prix Opus. Je reçois ce soir Louis Dufort en conversation autour de ses derniers projets de création, dont ses projets intitulés Into the Forest et Volume, des albums résultant de son attachement au monde de la nature, à la vie en forêt. Alors, on écoute cette ce deuxième volet. Louis, dis-moi, tu as fait de nombreuses collaborations depuis toutes ces années avec des artistes réputés. On pense à Marie Chouinard dans le secteur de la danse. Tu as travaillé avec le Quatuor Bosini et avec le réalisateur Denis Arcand. On t'a passé dans ce contexte-là des commandes, on dit ça traditionnellement. Et j'étais curieux de savoir un peu quel était ton processus de travail quand on te passe une commande. Qu'est-ce qui s'amorce dans ton esprit une fois qu'on t'a proposer là, quelque chose? Comment tu travailles? Histoire d'aborder le processus de création. Ben écoute, chaque collaborateur a son espèce de motus operandi. Je collabore pas beaucoup. En fait, j'ai effectivement une collaboration de plus de 20 ans là, avec Marie Chouinard. Ça, c'est très, très particulier. Puisque c'est une relation qui est très intense en termes créatifs, mais aussi en termes humains. Marie Chouinard, c'est un être vraiment... Elle est vraiment très spéciale au point de vue artistique. Puis, donc, la méthode de travail avec Marie, je ne peux pas la retrouver avec d'autres collaborateurs, parce que on a inventé un mot, moi pour Marie, qui s'appelle la connectix. C'est qu'on parle très peu. On parle très peu. Elle m'explique certaines choses. Des fois, c'est des mots-clés. Des fois, c'est juste des images. Des fois, elle me montre des extraits de sur quoi elle travaille. Puis à partir de là, je parle de mon côté, je fais des propositions. Après ça, oui, ça marche. Puis souvent, on travaille aussi sur image, c'est-à-dire qu'elle va enregistrer ses danseurs en vidéo. Puis moi, je vais mettre de la vidéo, je vais mettre de la musique directement sur les images. Et comme ça, elle peut voir. Parce qu'il y a des moments, des fois, dans la chorégraphie, où il y a des gestes où moi, je décide de sonifier, par exemple. Puis là, elle dit « Ah, waouh, c'est beau quand il y a le son en même temps que le geste. » Donc, ça me permet, moi, d'avoir un input un peu sur ce que je vois. Tu sais, au lieu de donner une musique puis d'être passive, puis elle a fait ce qu'elle veut sur la musique, c'est pas vraiment comme ça. C'est-à-dire, moi, je vois les danseurs puis je fais de la musique à l'image. Même chose, ça se rapproche avec le cinéma. Ce que j'ai fait avec Denis, c'est la même chose. C'est vraiment une musique à l'image. Mais là, c'était très différent parce que les contingences du cinéma, c'est autre chose là, qu'avec la danse. Puis, bon, il y a les dialogues, puis il y a toute une hiérarchie au cinéma. Il y a des mixeurs, il y a des monteurs, il y a des... Tout le monde a un peu un input là-dessus. Donc, c'est pas un contact direct. Oui, j'avais un contact direct avec Denis, mais c'est pas pareil. Il y a beaucoup d'intervenants là-dedans. Sinon, mes autres collaborations, c'était... Il y a une époque où j'ai fait beaucoup de musique mixte avec des musiciens. Puis ça, ça me manque un peu d'ailleurs, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais... avec Quasar, Bozzini, avec l'ECM, avec plusieurs ensembles, c'est toujours super intéressant de collaborer avec des interprètes, d'autant plus que moi, mes collaborations avec eux, c'est pas je leur donne une partition puis go, joue-moi ça. C'est je te donne une partition, oui, mais aussi c'est qu'il faut que tu joues avec la machine que je suis en train de programmer qui va interagir avec toi. Donc, on appelle ça des musiques avec traitement temps réel, par exemple. Donc là, ça nous oblige à avoir une collaboration très serrée et intense avec l'interprète. Ça, c'est intéressant.

Oui, là, tu me sors de mes vacances. Oui, il y a l'enseignement qui arrive quand même. Oui, il y a l'enseignement au Conservatoire de musique de Montréal. Il y a, mais sinon, les projets, il va y avoir un disque qui va sortir en automne, un album là, de musique acousmatique qui va recouvrir mes trois dernières années là, en termes de production. Cet album-là, c'est vraiment de la musique de concert, donc c'est une musique qui est plus complexe que ce qu'on va retrouver, par exemple, sur volume. Ensuite de ça, ben, je m'en vais faire un concert, ben, là, au moment de la diffusion, probablement que le concert aura passé, mais le 12 août, je serai à Chicoutimi avec le CEM, le Centre expérimental musical de Chicoutimi. Donc, j'ai un projet avec eux. En septembre, on va être à Sporobol, où on va présenter le fruit d'une résidence que j'ai faite l'année passée. Avec des, c'est super intéressant comme échange. On était, moi et Sylvain Pahut, puis on a fait du tutorat avec quatre artistes de Chicoutimi. Et on va présenter nos œuvres, donc c'est vraiment trippant. Toujours avec Marie Chouinard, il y a des projets qui sont en cours, et puis d'autres projets, d'autres albums, un autre album avec une collaboration avec Francisco Lopez, là, qui est en plan, puis ben, c'est ça. D'autres choses que je ne peux pas encore divulguer, mais disons que je suis assez occupé. Dis-moi, Louis, quel est le titre de cet album qui s'en vient, là? Est-ce que c'est secret ou... Non, ben non. Ça s'appelle « Into the Forest ». Alors, j'imagine qu'on est un peu dans la continuité philosophiquement de volume. Tout à fait, oui, oui. Puis, tu sais, je te disais que c'était des longs cycles, mais là, j'ai comme l'impression que ce cycle-là, je commence à faire la boucle. D'ailleurs, l'album est un cycle en soi, donc c'est un cycle dans un cycle. Et puis, avec volume, puis avec Into the Forest, là, je pense que je vais... J'ai comme l'impression que ça clôt un peu une phase créative là, qui dure depuis désormais 10 ans. Louis, si tu veux, on va écouter une pièce tirée de ce dernier album, Into the Forest. Et puis j'en profite pour te remercier infiniment de nous avoir accordé cet entretien ce matin. C'était vraiment super. Merci. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie du créateur sonore, compositeur Louis Dufort, que je remercie de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres qu'on retrouve sur les plateformes actuelles CD, Bandcamp et Empreinte Digitale. Alors pour clore l'émission, je vous propose une pièce intitulée Into the Forest, I've Seen Before, c'est tiré de l'album Into the Forest, d'ailleurs la dernière pièce qu'on a entendue. J'ai pas la certitude qu'il était tiré de l'album Into the Forest, mais voilà, les albums dialoguent entre eux, Into the Forest et le projet volume. Alors, sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure sonore. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue.